One, two, three, five. Génération 60, le son des 60s. Salut, c'est Mike Lécuyer. En 1966, John Mayall and the Blues Breakers featuring Eric Clapton publient leur premier single, I'm Your Witch Doctor. I'm your witch doctor, got the evil eye, got the power of the devil, I'm the conjure guy. Ça faisait ce bruit-là quand on cherchait les stations anglaises sur nos petits transistors, le soir dans notre lit. John Mayall, le père ou le grand-père du blues anglais, Eric Clapton quitte rapidement le groupe après le fameux 33 tours Bino, et puis il monte Cream. Et c'est certainement beaucoup plus passé à la radio que les premiers disques de John Mayall. Alors voici Cream en 1967, Sunshine of Your Love. Cream, c'était bien sûr Eric Clapton à la guitare, mais à la batterie, Ginger Baker, et à la basse et au chant, Jack Bruce. Soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. We two just we two. Attention, cassette listeners. You have now completed side one. In order to hear side two, please fast forward to the end of the reel before turning the tape over. Thank you. Ah, la cassette audio, quelle révolution au milieu des années 60. Et ce petit jingle cocorico vous indique que je vais vous présenter un artiste français. Eh bien, c'est Antoine. Nous revenons à l'année 1966 avec son premier album, avec quelques morceaux emblématiques. Et sur le verso de la pochette, on le voit en photo avec Donovan. Peut-être un petit clin d'œil aux 33 tours de Offray chante Dylan, où Hugo Offray était avec Bob Dylan, bien sûr. Bon, revenons à Antoine en 1966. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi ? Ah, ma brave dame, on pourrait tout aussi bien poser cette question aujourd'hui. Antoine. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Je ne crois pas à ce que je vois. Je ne crois à rien. Je n'écoute pas ce que l'on me dit. Je veux vérifier moi-même. Même dans les bras de la plus jolie, je me demande si je l'aime. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Je ne crois pas à ce que je vois. Je ne crois à rien. Je crie liberté, je le crie encore. J'y crois plus qu'à tout. Un peu plus tard, je crie à mort. Ça ne va plus du tout. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? qui ne va pas bien. Je ne crois pas à ce que je vois. Je ne crois à rien. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Radio Véronica. Tiens, on reste en 1966 et on danse avec les Supremes et Diana Ross sur le magnifique titre « You Keep Me Hanging On », un superbe 45 tours des Supremes. Terminant en apothéose cette session de Génération 60s avec Creedence Clearwater Revival ou Creedence ou CCR, voilà, ils avaient différents noms, surnoms, raccourcis, avec John Fogerty, le leader. Et en 1969, on dansait sur Born on the Bayou, Creedence Clearwater Revival. Yeah.